Notre vie devrait être une expression continue de prière et de louange. Et nous devrions demander à Dieu ce qu'il veut faire avec. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. En entrant dans une librairie chrétienne, nous pouvons trouver des rayons complets de livres sur la prière. La plupart d'entre eux tentent de nous expliquer comment obtenir une vie de prière fructueuse. La raison pour laquelle tant d'auteurs se sont concentrés sur ce sujet se trouve peut-être dans le fait que les croyants reconnaissent l'importance d'un temps passé en tête-à-tête avec Dieu, mais qu'ils ne savent pas comment prier efficacement. Si vous avez déjà vécu la frustration et l'anxiété d'une vie de prière stérile, vous pourrez renouveler votre intérêt pour cette activité en écoutant Charles Stanley nous enseigner à prier selon la méthode biblique. Il nous rappellera que notre relation avec Jésus-Christ nous permet de prier avec assurance. Vous écoutez En Contact. La prière est le privilège le plus précieux et le plus puissant accordé à un enfant de Dieu. Il est cependant curieux de constater que, malgré cela, plusieurs d'entre nous s'approchent très rarement du Seigneur Jésus-Christ pour lui soumettre leurs requêtes. Une des raisons pour expliquer cette étrange situation tient sans doute au fait que nous ne sommes pas certains de demander les bonnes choses. Et parce que nous ne sommes pas certains que notre demande cadre avec la volonté de Dieu, nous sommes un peu intimidés par la prière. J'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous avoir la certitude que votre requête est adéquate? Et si votre réponse est affirmative, comment vous y prenez-vous? L'objectif de l'émission d'aujourd'hui est d'apprendre à prier avec assurance. Nous ouvrirons d'abord notre Bible dans la première épître de Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Dieu nous a fait cette promesse toute simple. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous l'accorde. Or, le problème est de savoir si nous demandons la bonne chose lorsque nous nous approchons de lui. Car souvent, nous ne sommes pas sûrs de demander la bonne chose en lui soumettant notre requête. Je ne peux pas vous garantir que, à chacune de vos présences auprès de Dieu, dans un temps de prière, vous connaîtrez toujours sa volonté et vous saurez toujours quel devrait être le sujet de votre requête. Mais je puis vous dire que Dieu désire nous exprimer sa volonté et qu'ultimement nous connaîtrons cette volonté. Je tiens tout de suite à préciser que cela ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de vivre comme bon vous semble pour ensuite vous présenter devant Dieu en espérant qu'il entendra et exaucera toujours vos prières. Or, Dieu nous enseigne clairement dans sa parole comment nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Il est important de se rappeler que notre prière peut toucher la vie de toute personne sur cette terre, peu importe où elle est, du moment que vous acceptez de prier pour elle. Nous avons donc à notre disposition un moyen puissant de changer le monde. Et quand nous connaissons la volonté de notre Dieu, notre prière devient pleine d'assurance. Nous sommes plus forts car nous nous attendons à des résultats. J'aimerais mentionner ici deux choses. Premièrement, notre assurance dans la prière est inextricablement liée à notre relation avec Jésus-Christ. La prière est un privilège exclusivement réservé aux croyants. Il n'existe qu'une exception à cette règle. Quand une personne crie à Dieu pour que ses péchés lui soient pardonnés, quand elle lui demande de la sauver et de la faire naître de nouveau, elle ne jouit pas encore d'une relation avec Dieu. C'est la seule exception. À part cela, la prière, les requêtes, l'intercession, les actions de grâce, la louange et l'adoration sont toutes des privilèges exclusifs réservés aux enfants de Dieu. Nous pouvons voir pourquoi il en est ainsi, en lisant l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 9, dans un passage où Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais comment une personne pourrait-elle appeler Dieu son Père, à moins que Dieu, le Père, ne devienne effectivement son Père? Et dans un autre passage, l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus décrit clairement quel est le seul moyen d'accès auprès du Père. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il nous est absolument impossible de passer outre. Jésus-Christ est le chemin obligé vers Dieu. Nous ne pouvons négliger le Fils de Dieu et vivre indépendamment de lui pour ensuite prier notre Père. Je suis étonné du nombre de gens qui vivent dans le péché et se rebellent contre Dieu et qui, devant un grand malheur, comme un cancer, leur laissant à peine quelques mois à vivre, vont soudainement se mettre à vouloir prier Dieu et à réciter le psaume 23, verset 1er. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Désolé, ce n'est pas si facile. Vous pourriez vous sentir mieux, mais votre manège ne vous donnera rien. Car l'Éternel n'est pas votre berger quand vous lui êtes rebelle, que vous ne le croyez pas et que vous le traitez avec indifférence et mépris. Et même si vous vous mettez soudainement à réciter « L'Éternel est mon berger » ou « Notre Père qui est aux cieux », cela ne fonctionnera pas, car ces phrases sont destinées à être utilisées avec succès seulement par les enfants de Dieu. Si vous n'avez jamais fait personnellement confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, la Bible affirme que Dieu le Père n'est pas votre Dieu. Et si Dieu n'est pas votre Père, l'identité de votre vrai Père devient limpide. Au 8e chapitre de Jean, Jésus s'adresse alors aux pharisiens. Écoutons ces paroles, au verset 42 à 44. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je tiens à vous rappeler que nous avons tous un père sur le plan spirituel. Selon Jésus, nous avons le choix entre avoir le diable pour père ou avoir l'Éternel pour père. Or, pour être adopté par ce dernier, nous devons entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, celui qui a payé la dette de notre péché au calvaire il y a 2000 ans par sa mort expiatoire, sacrificielle et acceptable aux yeux du Père. Seuls ceux et celles qui ont fait ce pas de foi peuvent appeler Dieu leur Père. Seuls ceux et celles qui ont reçu personnellement Jésus-Christ comme Sauveur peuvent l'appeler leur berger. Revenons maintenant au 5e chapitre de la première épître de Jean, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. En d'autres mots, si vous ne croyez pas à ce que Dieu dit sur son Fils Jésus-Christ, à savoir qu'il est né d'une vierge, Dieu incarné, venu dans la chair afin de mourir pour vos péchés, en payant la dette de vos péchés par sa mort au calvaire, vous le traitez de menteur en rejetant son Fils Jésus-Christ. Et toute personne qui rejette Jésus-Christ comme son Sauveur rejette le but pour lequel Dieu l'a envoyé et refuse d'accepter qui il est. En réalité, le menteur est celui qui rejette Dieu le Père en rejetant son Fils Jésus-Christ. Et aucun menteur de ce genre ne peut s'approcher du Père et l'appeler « notre Père » ou s'approcher du Fils en disant « l'Éternel est mon berger ». La plupart d'entre nous ont des amis qui se plaisent à dire « moi je prie tout le temps ». Or, savez-vous à qui s'adresse leur prière? Ils pourront dire « je prie Dieu, cependant ». Aujourd'hui, vous devez vous demander de quel Dieu il s'agit, car les dieux de ce monde sont en grand nombre. Et l'œuvre des démons de ce monde est évidente dans notre société et dans toutes les sociétés humaines. Voyons maintenant ce que Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, veut dire par « celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ». Le témoignage en nous-mêmes est le témoignage venant du Saint-Esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Cela nous permet de nous approcher de Dieu le Père avec assurance dans la prière, car notre communion avec lui est enracinée dans notre relation avec la personne de Jésus-Christ. Grâce à elle, nous pouvons nous approcher du Père comme un enfant s'approche d'un Père qui l'aime inconditionnellement et qui accordera à son enfant tout ce qui est bon pour lui. Nous pouvons regarder une autre affirmation de la Bible en ce qui concerne la prière du croyant. Toujours dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. En d'autres mots, si notre cœur ne nous a pas condamnés, si nous ne sommes pas convaincus de péché par notre cœur de croyant, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. C'est peut-être la raison pour laquelle plusieurs personnes ne prient jamais, car elles ont reconnu la présence d'un péché dans leur vie, et même si elles essaient de le réprimer, de le camoufler, de le cacher, elles éprouvent beaucoup de difficultés à se présenter devant un Dieu saint en lui disant de ne pas s'inquiéter et de regarder plutôt leur bon côté. Or, elles savent que quelque chose ne va pas et elles ne sont pas en paix. C'est tellement dommage. Nous sommes parfois prêts à renoncer à beaucoup pour préserver bien peu. La prière est un privilège qui peut être pour le croyant une expérience puissante. Sommes-nous prêts à y renoncer pour rien de plus qu'un plat de lentilles? En voulant conserver un petit péché, une petite désobéissance, un soupçon d'indépendance ou la volonté entêtée de faire les choses à notre façon, nous sommes prêts à sacrifier et à compromettre l'unique occasion de nous présenter devant un Dieu saint et omnipotent pour lui présenter nos requêtes, sachant qu'il entendra notre prière. Nous renonçons volontiers à la foi que nous avons dans les promesses de Dieu, à l'assurance qu'il nous aidera à accomplir sa volonté et à la certitude qu'il nous entend et nous écoute, tout cela parce que nous persistons à nous accrocher à quelque chose de nuisible ou que Dieu ne veut pas nous accorder, car il sait que cela pourrait détruire notre vie. Nous préférons nous agripper à cela, et tant pis si nous devons renoncer à la volonté de Dieu pour notre vie. Cela est totalement insensé, mais c'est parfois ce que nous faisons. Je dois vous poser cette question. À quoi tenez-vous tellement dans la vie que cela vous prive de l'assurance, de la hardiesse et de la foi de vous approcher de votre Père céleste quand il ne demande pas mieux que vous ouvrir toutes grandes les écluses de ses richesses divines et de faire circuler en vous et à travers vous sa puissance surnaturelle? Avez-vous pensé à tout ce que vous êtes prêt à rejeter? On ne peut même pas comparer les deux. Or, la Bible affirme que si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons nous approcher de notre Dieu avec assurance, car nous lui sommes obéissants. Nous pouvons donc résumer ce premier point en concluant que l'assurance de notre prière prend ses racines dans notre relation avec Jésus-Christ. Passons maintenant au deuxième point. Nous pouvons prier avec assurance dans la mesure où le sujet de notre prière est directement lié à notre compréhension de la volonté de Dieu. Le sujet de notre prière doit s'accorder avec la volonté de Dieu en autant que nous la comprenons, bien entendu. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà vu, l'apôtre Jean affirme dans sa première épître, et je vous lis les versets 14 et 15 du chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous savons alors que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Avez-vous bien remarqué le temps du verbe? Il ne dit pas que nous serons peut-être un jour si notre prière a été exaucée. Il dit que nous le savons présentement. Certains pourraient dire, « Tout cela est bien joli, mais la volonté de Dieu me paraît un peu mystérieuse et nébuleuse. » Le privilège de connaître clairement la volonté de Dieu n'est-il pas réservé à un groupe restreint? Absolument pas. Dieu désire vous faire connaître sa volonté sur tout sujet que vous apportez devant lui. Toutes les fois que vous vous approchez de lui en priant, Dieu désire vous faire connaître son objectif, son plan et sa volonté pour votre vie. Regardons maintenant Romains chapitre 8, verset 32. Ce passage contient une merveilleuse promesse. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dieu veut nous donner tout ce qui est bon pour nous. Il veut aussi nous faire connaître sa volonté. Il désire donc nous faire savoir si le sujet de notre requête est bon. Mais il arrive que parfois, en nous approchant de lui, nous ne soyons pas certains que notre requête soit juste. Nous lui disons à ce moment, « Seigneur, voici ma requête, mais je ne suis pas certain qu'elle soit conforme à ta volonté. » Dieu comprend cela. Il comprend que nous puissions venir à lui sans être absolument certains du bien fondé de notre demande. Or, il arrive que nous découvrions sa volonté après avoir commencé à prier. Cela se fait parfois rapidement et moins vite en d'autres occasions. Or, nous détenons toutefois cette assurance en lui que nous obtiendrons de lui ce qui est conforme à sa volonté. La question est de savoir comment nous pouvons découvrir la volonté de Dieu dans certains aspects de notre vie et comment nous devrions prier pour y arriver. Il existe certaines choses pour lesquelles nous connaissons déjà, sans l'ombre d'un doute, la volonté de Dieu. Nous n'avons même pas besoin de lui demander. Supposons par exemple que vous êtes un parent et que vous priez pour le salut de votre fils ou de votre fille. Pensez-vous vraiment avoir à lui demander « Seigneur, sauve mon fils Alexandre si cela est selon ta volonté ?» Ne vous donnez pas cette peine, car vous savez déjà que le Seigneur ne désire pas que quiconque périsse, mais que tous obtiennent la vie éternelle. Vous n'avez donc pas ajouté « si c'est selon ta volonté » à la fin de votre requête. Vous connaissez déjà sa volonté sur la question. Et aucun mari n'a besoin de prier, « Seigneur, prends soin de ma famille et donne-lui de bonnes choses, si c'est selon ta volonté. » Vous savez quel est le désir de Dieu. Vous pouvez donc prier pour votre famille, sachant que Dieu exaucera votre prière. Nous pourrions ainsi parcourir les Écritures en trouvant d'autres sujets de prière conformes, au-delà de tout doute, à la volonté de Dieu. Nous n'avons donc pas à y ajouter la proposition suivante, « Si c'est selon ta volonté ». Nous avons appris que certaines choses sont à coup sûr conformes à la volonté de Dieu. Par contre, il existe certaines requêtes qui sont à coup sûr contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, « Seigneur, devrais-je voler mon frère ?» À quoi bon même prier pour cela ? Ou encore, « Seigneur, si c'est ta volonté, je dirai ce mensonge, mais si ce n'est pas le cas, je ne le dirai pas. » Nous n'avons pas besoin de prier pour des choses semblables, car nous savons qu'il est contraire à la volonté de Dieu de mentir, de voler, de tricher, d'assassiner, de commettre l'adultère ou de s'endetter jusqu'au cou. Vraiment, nous devrions déjà savoir cela. Nous connaissons donc certaines choses pour lesquelles nous devons prier, sans avoir à nous demander si elles sont conformes à la volonté de Dieu, et certaines autres choses pour lesquelles nous n'avons même pas besoin de prier, car nous savons qu'elles sont contraires à sa volonté. Nous devons donc prier avec discernement. Passons maintenant à une autre catégorie. D'après vous, existe-t-il des aspects de votre vie qui n'intéressent pas particulièrement Dieu et pour lesquels vous n'avez pas à prier? En lisant notre passage, vous vient-il à l'idée certaines choses qui vous font penser, « Seigneur, tu veux que nous demandions des choses conformes à ta volonté, Mais cela veut-il dire que nous devons te demander ton avis sur chaque décision à prendre? En d'autres mots, existe-t-il des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance aux yeux de Dieu? Et la réponse est oui. Certaines choses n'intéressent pas vraiment Dieu, et il les laisse à notre discrétion, car elles sont sans grande importance. Vous n'avez pas à lui demander si vous devez commander un spaghetti ou une pizza au restaurant, si votre santé vous le permet. Par contre, si vous lui demandez « Seigneur, dois-je manger jusqu'à ce que je ne puisse plus rien avaler? » Là, c'est différent, car la Bible s'élève contre les abus de toutes sortes. Mais Dieu nous donne, effectivement, une certaine marge de manœuvre. Supposons par ailleurs que vous vouliez vous acheter une automobile et que le Seigneur vous a donné le feu vert pour vous en procurer une. Je ne crois pas que le Seigneur vous dira « Prends la bleue dans le coin là-bas ». Bleue, verte, rouge ou jaune, cela importe peu aux yeux de Dieu. Je ne crois pas que Dieu s'intéresse aux choses insignifiantes. Toutefois, nous pouvons donner une signification aux choses insignifiantes. Prenons comme exemple une dame qui se demande si elle devrait demander à Dieu quel genre de robe elle doit porter. Si elle se demande si cette robe est appropriée ou décente, elle devrait chercher conseil auprès de Dieu. Or, si c'est simplement une question de couleur de robe, cela importe peu. Dieu peut nous guider sur une infinité de sujets. Seigneur, devrais-je terminer mes études supérieures? Dieu pourrait très bien avoir un avis à donner sur cette question, car nous devons faire fructifier nos talents et votre capacité de répondre à son appel pour votre vie pourrait être influencée par votre décision. Dieu pourrait également vous donner de précieux conseils sur l'endroit où vous ferez vos études universitaires, car s'il a un plan, un objectif pour votre vie, il vous donnera les moyens d'accomplir sa volonté, et il connaît l'endroit où vous pourriez être le mieux formé pour répondre à son appel. En ce qui concerne le mariage, il vaudrait mieux ne pas vous croire capable de prendre une décision aussi importante par vous-même. Je connais des gens qui n'ont jamais pensé à demander l'avis de Dieu sur leur choix de partenaire de vie et qui maintenant regrettent de ne pas l'avoir fait. Je puis vous garantir que Dieu a sûrement quelque chose à dire sur votre choix. Une jeune personne pourrait se demander pourquoi elle ne peut pas choisir la personne qui lui plaît et pourquoi elle devrait demander l'avis de Dieu. Parce que Dieu connaît les influences de votre vie et les influences dans la vie de cette autre personne. Il connaît aussi vos motivations et ses motivations. Dieu a également son mot à dire sur le genre de personne que vous fréquentez. Si vous désirez vous acheter une maison et vous vous demandez si cela a de l'importance pour Dieu, oui, cela en a. Car Dieu sait combien cette maison va vous coûter. Il connaît la durée de l'hypothèque et il connaît votre capacité de payer mieux que vous, votre état de santé à long terme et ce qu'il veut accomplir avec votre vie. Si une personne en recherche d'emploi se demande si elle devrait prier là-dessus ou simplement prendre le premier travail qu'on lui propose, je lui dirais qu'elle devrait certainement prier Dieu pour qu'il lui indique la nature et l'emplacement de cet emploi. Nous devons toujours nous rappeler que nous appartenons à Dieu car il nous a rachetés à un grand prix. Or, nous vivons et nous agissons souvent comme si, après avoir été sauvés par la grâce de Dieu, nous pouvions profiter des bénédictions de Dieu et faire comme bon nous semble. C'est une erreur. Non seulement nous appartenons à Dieu, mais la Bible affirme que nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Nul besoin de travailler à plein temps dans l'œuvre de Dieu pour être mis à part. Dieu possède un plan et un objectif pour chaque croyant et chaque croyante. Nous avons donc la responsabilité de découvrir ce que Dieu veut faire de notre vie, comment il veut le faire et avec qui il désire que nous accomplissions sa volonté. Nous devons donc rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, rechercher son conseil dans la prière et lui demander son avis. Tout cela fait partie d'une démarche d'obéissance envers Dieu. Refuser de le faire revient à vivre indépendamment de lui, et cela nous conduira immanquablement à un tas d'ennuis. Les gens se mettent parfois dans des situations impossibles. C'est seulement à ce moment qu'ils pensent à prier Dieu de les sortir de là. Très souvent, les gens viennent me voir, me racontent ce qui leur est arrivé et terminent en me disant « Je prie Dieu pour qu'il me sorte de ce mauvais pas. » Parfois, je ne peux m'empêcher de demander « Avez-vous demandé à Dieu de vous y mettre ?» Oh non, les choses sont arrivées comme cela. Mais maintenant, il faut que Dieu m'en sorte. Or, si vous vous êtes mis dans le pétrin et que vous voulez que Dieu vous en sorte, rappelez-vous de ceci. Vous aurez à subir les conséquences de votre erreur. Voilà pourquoi nous devrions toujours prier avant de prendre une décision lourde de conséquences. Nous nous mettons parfois les pieds dans les plats parce que nous n'avons pas pensé à demander le conseil de Dieu. Et nous nous tournons seulement vers Dieu quand la situation devient intenable et que nous voulons qu'il nous en sorte. Or, Dieu n'est pas seulement un extincteur d'incendie que nous utilisons seulement en cas d'urgence. Nous pourrions nous épargner beaucoup d'ennuis en prenant l'habitude de demander le conseil de Dieu. Il vaut mieux trop prier que pas assez. Prenez cette décision d'une grande importance dès aujourd'hui, de mettre à part un temps pour la prière. Dieu n'a pas voulu que sa volonté pour notre vie soit un secret pour nous. Elle ne sera peut-être pas toujours clairement évidente, mais il nous la révélera. Charles Stanley nous a rappelé que Dieu ne nous forcera jamais à entendre ses instructions. Nous devons prendre le temps de rechercher son conseil dans des moments paisibles de prière. Notre vie devrait continuellement exprimer notre louange à Dieu, nos actions de grâce et notre adoration envers Dieu, peu importe notre vocation ou notre travail. Vous pouvez dialoguer avec Dieu en tapant sur votre clavier d'ordinateur ou en conduisant votre véhicule, pourvu que cela ne nuise pas à votre travail ou à votre concentration. Nous devrions nous demander quelle est la volonté de Dieu pour notre vie et chercher à l'accomplir de tout notre cœur au meilleur de nos capacités. Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En contact qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.